Lève-toi du milieu. Ok, j'ai aucun idole. J'ai mis ton discours sur off. J'joue avec ma bande, chouffe. Touche pas à la bosse. J'veux emmener tes mecs. J'ai rien d'autre que le rap. J'cours après les billets et les blocs notes. J'les arrache. Viens pas me chercher des noix. J'vais rouler ma bosse. J'ai buté la poisse, gars. J'suis entouré de la cosse. J'suis en guerre avec toi et les autres. J'ai pas de temps à perdre. Je cartouche, nettoie et m'envole. T'as vu ça, non? Fais des titres et parle pas. Rangez tous vos barbales. Dans le rap, ça tire pas. On est ensemble. Coupe le beat et Sergi bar. Combien de MC joue les tentes face aux flics? Arrête ton rôle, t'es tout drôle, j't'ai cramé. J'suis dans ton froc quand ça frappe, tu peux te barrer. J'te l'ai dit tranquillement, t'es trop vieux, pépère. Lève-toi du milieu et laisse faire la jeunesse, mon frère. Que d'imposteurs dans le rap français. Range ton fusil à pompe, lève-toi du milieu. Tu parles trop, tu pousses un peu à la barre, espèce de carapa. Lève-toi du milieu. J'ai plus le temps de t'attendre, j'suis venu faire kiffer la bande, mon gros. Lève-toi du milieu. J'ai sauté la barrière, c'est tout frais, c'est du nord, c'est la race, ça. Lève-toi du milieu. J'suis venu choquer ça. Le beat tu le kick, moi je le bute en solo et je baisse ton équipe. Je suis au centre, j'ai pris l'arbitre en otage. Je fais des putains de scores, j'ai même fait peur à ma page. Je suis avec toi, mais toujours en décalage. Je ne comprends pas la jalousie de ces gars-là. Je bosse pour la bombe, pour faire tourner mon album. S'il te plaît, ne parle pas, tu ne passeras pas la porte. J'ai la balle et je te perds. A chaque phrase un coup de balle. Écoute ça, petit trou de balle, on est en forme. T'as qu'à demander à la foule. Je veux des sons qui arrachent le sol, rien à foutre d'avoir la coupe. Je suis un pipé de son, je connais bien la direction. Je vais tout faire péter, j'ai déjà maquillé la zone. N'oublie pas que je suis là, que je mène un combat de malade. Que mes proches ne supportent pas. Que d'imposteurs dans le rap français. Range ton fusil à pompe, lève-toi du milieu. Tu parles trop, tu pousses un peu à la barre, espèce de carapa. Lève-toi du milieu. J'ai plus le temps de t'attendre, je suis venu faire kiffer la bande, mon gros. Lève-toi du milieu. J'ai sauté la barrière, c'est tout frais, c'est du nord, c'est la race, ça. Lève-toi du milieu. Un train de vie à 200, bien souvent rabaissé par tous ces moutons qui n'ont pas trouvé le sens. Va leur dire que je ne sonne plus à la porte, que je ne passe pas d'accord. L'indépendance, c'est mon pote. Je traîne avec mes gars du coin, on vit avec ça. Sale son, pour que tu kiffes ça. On mettra plus, si tu veux, on te bercera. L'enfant du sud, c'est du nord, faut que tu guettes ça. Que d'imposteurs dans le rap français. Range ton fusil à pompe, lève-toi du milieu. Tu parles trop. Tu pousses un peu à la barre, espèce de carapa. Lève-toi du milieu. J'ai plus le temps de t'attendre, j'suis venu faire kiffer la bande, mon gros. Lève-toi du milieu. J'ai sauté la barrière, c'est tout frais, c'est du nord, c'est la race, ça. Lève-toi du milieu. Que d'imposteurs dans le rap français. Range ton fusil à pompe, lève-toi du milieu. Tu parles trop, tu pousses un peu à la barre, espèce de carapa. Lève-toi du milieu. J'ai plus le temps de t'attendre, j'suis venu faire kiffer la bande, mon gros. Lève-toi du milieu. J'ai sauté la barrière, c'est tout frais, c'est du nord, c'est la race, ça. Lève-toi du milieu. Lève-toi du milieu. Lève-toi du milieu.